Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Stud Sterkel. Adaptation Méboada et Benoît Giros. Épisode 10. La guerre. À la fin des années 30, je dirais que notre société a été à nouveau sauvée par Hitler. Parmi les choses qui m'ont horrifiée, il y a ces pasteurs fondamentalistes. Ils disaient aux gens qu'ils souffraient à cause de leurs péchés. Et les gens le croyaient. Dieu les punissait. Leurs enfants crevaient de faim à cause de leurs péchés. J'avais prévu de faire de la recherche, mais la dépression m'a obligé à pratiquer la médecine. Je n'ai pas de regrets. J'aurais probablement pu devenir quelqu'un de riche, avec une clientèle. J'aurais été comme beaucoup d'autres. Mais finalement, je suis moi-même. Unique en mon genre, comme on dit. Je n'ai pas de regrets. La dépression a affecté les gens de différentes façons. One was, and I think this was the overwhelming majority, and that was that having faced the terror of a lack of a job. 1969. Mon magnétophone et mon micro sous le bras, je vais à la rencontre de citoyens américains qui ont vécu la Grande Dépression. Quand ont-ils senti le bout du chemin, la fin de la dépression, le travail qui commençait à revenir? Tandis que la dépression reculait, la guerre gagnait du terrain. Est-ce parce que la guerre est arrivée que la crise s'est arrêtée? La prison a été salement touchée par la dépression. On n'avait pratiquement rien à manger. On grattait vraiment les fonds de tiroir. Scoop Longford a passé 31 ans dans un pénitencier d'État de 1919 à 1950. Une fois, ils ont voulu qu'on mange une sorte de poisson. Ils appelaient ça du flétan. Il y avait de la peau noire tout autour. C'était pas bien blanc sur le côté comme ça doit être, vous savez. Ils essayaient de nous faire avaler du bébé requin, je crois. Ça puait tellement, tout le bâtiment était empesté. On a tout jeté par terre et on a refusé de manger. Si vous vous rappelez comment c'était pour vous dehors, vous n'avez qu'à imaginer la même chose en trois fois pire. La nourriture n'était déjà pas fameuse à la base, on avait un truc qui ressemblait à de la viande, une fois par semaine. Une chose qu'un boucher n'oserait pas vendre, des petits morceaux juste bouillis dans une marmite. C'était seulement le quart de ce qu'il fallait à un gars pour tenir. Pendant la dépression, il y a eu plus de gars qui sont morts ici que pendant toute l'histoire de la prison. Est-ce que les gardiens parlaient avec vous de la dépression? Ils n'étaient pas mieux lotis que nous. Beaucoup mangeaient ici, discretos. Des fois, je leur ai même donné du pain. Presque tous avaient des familles à nourrir. À écouter ce qu'on se racontait, on n'aurait pas pu savoir qu'il y avait une dépression. On n'avait rien à redire. Au moins, on avait un endroit où manger et dormir. La prison nous protégeait de l'extérieur. Les gens dehors, ils devaient se battre. Nous, on était juste aussi bas qu'on pouvait l'être. Il aurait fallu creuser un trou pour tomber plus bas. Ça a été mieux tout de suite quand il y a eu la guerre. On mangeait tant qu'on pouvait pendant la guerre. Ouais, on en causait. Vive la guerre! C'est ce qu'on pensait. Vive la guerre. Parce qu'on mangeait vraiment bien. On a l'impression qu'il y a eu ce crash, cette énorme explosion, et que tout s'est effondré. Judy travaille dans les relations publiques. Et tout à coup, un jour, le soleil est réapparu et il y a eu la guerre. Avec toutes sortes de gens fabriquant des avions, du napalm et tout ça. La prospérité vient de la guerre. Je déteste ça. Je déteste tout ce qui se rapporte à ça. Des gens comme moi n'existeraient certainement pas si nous n'étions pas dans une société prospère. Même enfant, j'ai toujours eu une vision religieuse des choses. Certains de mes anciens amis du Parti communiste trouvaient que j'étais trop religieuse pour être une bonne révolutionnaire. Dorothy Day est une femme belle et forte. Avec ses cheveux blancs, cette grand-mère a conservé l'attitude d'une jeune fille enthousiaste. Elle dégage par moments un sentiment de lassitude, mais ça ne dure qu'un instant. Son bureau est très dépouillé, un lit de camp, quelques fauteuils, une étagère pleine de livres, beaucoup de livres de poche. Sur un mur de la cuisine est encadrée une citation du père Beridan. Les hommes se sont mis à revendiquer la paix dès qu'ils ont déclaré la guerre. Le pacifisme a toujours été mon credo. Je n'ai jamais cru que des gens qui s'entretuent puissent créer une société meilleure. Il faut pratiquer la non-violence. Je ne crois pas avoir été influencée par Gandhi. Je crois que c'est tout simplement un message chrétien. Mon expérience en tant que socialiste et communiste, c'était qu'il fallait changer les choses. Il y aura toujours de la souffrance humaine, de la méchanceté. Mais pour moi, il est impossible de continuer avec cette pauvreté et cette richesse extrême quand les gens vivent comme des chiens sans endroit où aller. Nous, en plus d'être catholiques, nous avons un point de vue anarchiste. L'État représente un énorme danger. On était les premiers dans l'Église à s'opposer à Mussolini et à Hitler. On a fait un piquet de grève sur les quais devant un paquebot allemand qui arborait la svastika. Les communistes en faisaient un au même moment. Communistes et catholiques. Ce devait être en 1935. Un groupe de communistes est monté à bord du navire et a déchiré la svastika. Certains ont été arrêtés et l'un d'entre eux s'est même fait tirer dessus. Des deux côtés, on distribuait des brochures. Même si le marxisme, selon Lénine, prône l'athéisme, il y avait des points de convergence. On s'est joint à eux pour la manifestation devant le poste de police. On a été dispersés. Quand les communistes qui avaient été arrêtés ont été déférés devant le juge, ils ont dit qu'ils étaient catholiques. La plupart l'étaient, en effet, par leur éducation. Catholiques au berceau, comme on dit. C'était amusant de les voir tous se lever et se proclamer catholiques. D'un coup, ils ont été identifiés à nous. J'ai trouvé ça très drôle. En 1933-1934, il y a eu tellement d'expulsions dans la banlieue Est qu'on ne pouvait pas marcher dans les rues sans tomber sur des meubles qui jonchaient les trottoirs. On essayait de trouver des appartements vides et d'obliger les bureaux d'aide à payer les premiers mois de loyer. On aidait les gens à changer d'appartement, on leur donnait un coup de main. Est-ce que vous avez essayé, comme les conseils des chômeurs, de réinstaller les gens dans les appartements dont ils avaient été expulsés ? Non. Nous pensions qu'il ne fallait pas utiliser les gens comme ça, juste pour démontrer quelque chose. On essayait de convaincre le capitaine des pompiers et nous les aidions à déménager pour qu'ils ne se sentent pas honteux, humiliés et rabaissés. Ils avaient déjà assez souffert sans devoir subir ça en plus, ni qu'on se serve d'eux à des fins politiques. Les communistes ont largement contribué à ce qui s'est passé dans les années 30. Ce sont eux qui ont mené des luttes héroïques risquées, le lynchage, l'emprisonnement et parfois même la mort. Pour organiser les ouvriers dans le sud, par exemple, dans le textile. Ils ont essayé d'organiser les inorganisés partout où il le fallait. 3000 d'entre eux ont défilé à Washington pour le chômage, les retraites, les enfants handicapés. Toutes les mesures de sécurité sociale qui existent aujourd'hui étaient dans le programme du Parti communiste. Mais leur philosophie était que l'État devait tout contrôler. Mais avez-vous fait campagne pour la sécurité sociale à l'époque ? Non, nous étions de l'autre bord. Tout le programme d'assurance chômage, la sécurité sociale, c'était un aveu d'échec de tout l'ordre social et un aveu d'échec des principes chrétiens. Que l'homme, en fait, ne se soucie pas de son prochain. Qu'il faille en appeler à l'État, c'est un conflit dramatique. Le gouvernement fédéral doit encore et encore protéger les gens contre les injustices. Et pourtant, idéalement, ce ne devrait pas être le rôle de l'État. L'État ne devrait pas remplir les fonctions qui peuvent être remplies par un corps plus petit. L'État ne devrait intervenir qu'en cas d'abus grave. Mais étiez-vous opposé aux réformes du New Deal en tant que tel ? Non. Mais si ça pouvait se faire par l'action d'un groupe plus petit, on trouvait ça mieux. Nous sentions ce que le gigantisme des agences peut avoir de mauvais, leurs abus de pouvoir. Il fallait décentraliser. C'est un énorme problème. L'autonomie considérée comme opposée aux besoins immédiats. La question est, qu'est-ce que moi, je peux faire ? C'est comme ça que les maisons d'hospitalité ont vu le jour pendant la dépression. Une fille est venue. Elle avait lu une lettre que nous avions envoyée à l'évêque sur la tradition de l'Église. Elle avait été expulsée de son meublé. Elle avait des valises et avait dormi dans le métro. On n'avait pas de place. On était plein. On ne savait pas où l'envoyer. La fille nous a regardés et a dit « Pourquoi vous écrivez des trucs comme ça, si vous ne pouvez rien y faire ?» On a eu honte, vous savez. Alors, on a loué un autre appartement, et puis un immeuble entier. Tout ce que nous avons fait, on y a été poussé par la nécessité. Nos bons voisins italiens savaient reconnaître la pauvreté. Ils apportaient tout leur reste pour les mettre dans la soupe. Commerçants et voisins. Ils amenaient des boîtes de spaghettis, des trucs dont ils ne voulaient plus, des meubles, des vêtements, tout ça. Alors même qu'ils étaient pauvres, eux aussi. On vivait dans leur quartier, ils nous acceptaient. Il y en avait aussi qui avaient des petites statues de Mussolini sur leur rebord de fenêtre et qui donnaient au régime fasciste leurs alliances en or. Oh, c'était dur de dire qui était bon, qui était mauvais. On ne peut jamais le dire. On les entend tous parler de la gauche et de la droite, mais tous les hommes sont frères. Les communistes comprennent ça mieux que quiconque, mais ils veulent y arriver par la force. C'est une honte. Ils ont une vision. Est-ce qu'ils seraient prêts à tuer ces gens qui ont mis Mussolini à leur fenêtre ? Quand on s'est installé dans un quartier moins pauvre, les gens nous balançaient des trucs quand on passait et disaient qu'on dégradait le quartier. Dès que les gens ont un peu plus de confort, c'est ça qui se passe. Les comportements sont bien pires aujourd'hui. Dans les années 30, tout le monde était dans le même bateau. C'était un désastre général. Ignazio Silone a dit un jour « Le désastre de tout le monde n'est le désastre de personne ». Ah, les gens ne souffraient pas comme ils souffrent aujourd'hui. Ceux qui ont des aides sociales aujourd'hui sont méprisés comme jamais personne ne l'a été avant. Une autre dépression pourrait être un soulagement pour beaucoup de gens. Ils savent que notre prospérité est basée sur la guerre. Ce serait tellement mieux que la guerre. Mais les gens n'auraient plus à continuer coûte que coûte à faire front. Ils n'auraient plus besoin de payer leurs crédits, ils auraient un moratoire. La menace de la dépression, il n'y a vraiment pas à s'en inquiéter. Je souhaite vraiment que la bourse s'effondre une bonne fois pour toutes. J'aimerais qu'une révolution non violente mette fin à cette guerre sainte. Et ce voisin un jour m'a dit qu'on avait besoin d'une bonne guerre et que ça réglerait nos problèmes agricoles. Et j'ai dit oui, mais je voudrais pas donner mon fils pour en payer le prix. C'est pourtant ce qu'on a fait. C'était trop cher payé. Les pauvres recevaient une petite aide. Ils pouvaient aller à des dispensaires gratuits. Les riches avaient les moyens de se faire bien soigner. Mais il y avait cette classe moyenne gigantesque qui ne recevait aucun soin. La classe moyenne s'est retrouvée très vite dans la situation des pauvres. En 1932, le docteur Lewis Andreas a été membre fondateur du premier centre médical de Chicago. Les médecins y exerçaient en groupe, leurs honoraires étaient modestes. Favorable aux ouvriers, le docteur Lewis Andreas s'est retrouvé rapidement impliqué. Les pauvres n'hésitaient pas à aller dans des cliniques gratuites. Pour eux, ce n'était pas perdre sa dignité, ils étaient habitués. Mais la classe moyenne n'arrivait pas à s'y résigner. Les gens aisés se sont soudain retrouvés sans un sou. En particulier les vieux enseignants qui devaient bientôt prendre leur retraite. Il y avait beaucoup d'enseignants parmi nos patients. Ils ne pouvaient pas se payer de soins médicaux et ils ne voulaient pas s'abaisser à faire la queue dans un dispensaire. Ils préféraient se passer de soins jusqu'à ce que ça aille très mal. Beaucoup y ont sans doute perdu la vie. Dans les rues et les tramways, les gens crevaient de faim. Je connaissais un interne à l'hôpital du Peuple. Chaque jour, me disait-il, quelqu'un s'évanouissait dans un tramway. On l'amenait à l'hôpital et on ne lui posait pas de questions. On le regardait rapidement. C'était toujours la même chose. On savait ce qu'il avait. C'était la faim. Les gens tombaient de faim dans les rues. On avait devant nous une structure incohérente qui n'avait plus de sens. On croyait que tout allait s'effondrer. On a décidé qu'on allait tout reconstruire. Une sorte de service de soins médicaux unique pour une société nouvelle. C'était des conneries, de belles paroles en fait. Mais il y avait un sentiment de créativité. On appartenait à quelque chose qui s'appelait la Nouvelle Amérique. Notre perspective, c'était le socialisme. C'était à nous de trouver comment remplacer la société en train de disparaître. Nous étions peut-être un peu arrogants, mais c'était l'idée. Mais il y avait aussi un sentiment de perplexité. S'il n'y avait pas eu le New Deal, les gens auraient pu devenir violents. Il raconte les combats menés par son groupe de médecins, les éditoriaux dans les journaux qui les qualifiaient d'agents subversifs anti-américains et l'interdiction d'accès à l'hôpital dont ils ont été victimes. Je me souviens d'une manifestation un jour sur l'avenue Michigan. On était en 1934. Une manifestation de chômeurs, silencieuse. Personne ne disait rien. Juste une masse de gens qui descendaient la rue. Dans leur esprit, je crois qu'ils avaient atteint une étape limite. On ne se laissera plus faire. Je m'en souviens surtout à cause du silence. Il n'y avait pas de banderole, aucun enthousiasme. Un courant souterrain de désespoir. À la fin des années 30, je dirais que notre société a été à nouveau sauvée par Hitler. Parce que les soins palliatifs qu'on avait mis en place ne marchaient pas et que les choses partaient à la dérive. La guerre, en un sens, a mis fin à la dépression. La guerre a empêché une seconde dérive qui aurait pu finir par un soulèvement violent. Vous voyez, les gens aujourd'hui qui ont la leucémie connaissent des améliorations. Ils se sentent mieux, mais ils meurent tous. Mais il y a quelque chose d'important dans ce traitement, dans les soins palliatifs. L'espoir que si le patient continue à vivre, quelqu'un découvrira un nouveau remède. Je suis en faveur des soins palliatifs pour l'individu et pour la société. Cette époque a été terrible. Terrible et remarquable. On a réussi ce qu'on s'était fixé. Nous voulions promouvoir les intérêts des ouvriers, les lois sur la sécurité sociale, les allocations chômage, tout ça s'est fait en liaison avec le mouvement ouvrier. Certains de ces buts ont été largement atteints. Aujourd'hui, je crois que c'est encore plus terrible. À l'époque, on se demandait comment on allait en sortir, et puis on y est arrivé. Et ça, c'était vraiment un soulagement. Mon mode de vie a été profondément changé par la dépression. Maintenant, je suis là, dans ce bureau. Mais ces blessures ne disparaîtront jamais. Mon père était médecin, et il a mis toutes les économies de sa vie dans une seule propriété. Elle a été saisie par l'université de Chicago, et il a perdu tout ce qu'il avait. À ce moment-là, papa a cessé de pouvoir m'aider. J'avais prévu de faire de la recherche, mais la dépression m'a obligé à pratiquer la médecine. Je n'ai pas de regrets. J'aurais probablement pu devenir quelqu'un de riche, avec une clientèle. J'aurais été comme beaucoup d'autres. Mais finalement, je suis moi-même, unique en mon genre, comme on dit. Je n'ai pas de regrets. Non, la dépression n'avait rien de romantique. Ça a été une période de souffrance terrible. Les contradictions étaient si évidentes qu'il n'y avait pas besoin d'être très intelligent pour réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Vous avez déjà vu un enfant rachitique, tremblant comme une feuille? Pas de protéines, pas de lait. Et pendant ce temps, les entreprises qui déversaient le lait dans les égouts. Les gens n'avaient rien à se mettre sur le dos et les entreprises jetaient le coton aux ordures. Les gens n'avaient rien à manger et ont tué les cochons. Si ce n'était pas le système le plus délirant du monde, alors qu'est-ce que c'était? Tout simplement dément. C'est une vieille maison de famille, à l'extérieur de Montgomery, dans l'Arkansas. Une petite rivière passe tout près. Virginia Durr et son mari Clifford sont d'une vieille lignée de l'Alabama. Les jeunes aujourd'hui s'amusent à jouer les pauvres. C'est bien joli de porter des jeans et de manger des hamburgers. Mais ça n'est pas pareil de ne pas avoir de hamburger à manger, ni de jeans à se mettre. Beaucoup de ces gamins ont quelqu'un vers qui se tourner en cas de coup dur. Bon, j'admire leur état d'esprit, leur sens de la justice sociale, mais eux-mêmes n'ont jamais manqué de rien. Ils n'ont pas connu la terreur. Ils n'ont jamais vu de bébé hurler dans son berceau parce qu'il a faim. Ce que l'on sait, ce que l'on sent sont deux choses différentes. La terreur, c'est quelque chose que l'on sent. Quand il n'y a plus d'argent qui rentre à la fin du mois, c'est la terreur brute, la terreur absolue. Ce qui me fait peur, c'est que ces gosses sont comme des moutons qu'on conduit à l'abattoir. Ils sont jeunes et romantiques. J'ai beaucoup plus de foi dans les mouvements qui partent de la nécessité, dans les gens qui essaient de changer les choses pour échapper aux privations. On sentait ça dans la poussée des mouvements ouvriers des années 30. Les gens qui ont le plus œuvré à s'organiser étaient ceux qui travaillaient dans les magasins et dans les usines. La dépression a touché les gens de deux façons différentes. La grande majorité a réagi en se disant que l'argent était la chose la plus importante du monde. Débrouille-toi pour gagner ton fric, et gagne-en pour tes enfants, rien d'autre ne compte. Tout plutôt que la peur. Et il y a un petit nombre de gens qui se sont dit que le système était mauvais, qu'il fallait le changer. Les enfants grandissent et veulent le changer, eux aussi. Mais ils ne savent pas par quoi le remplacer. Je ne suis pas sûre moi-même de le savoir. Je pense qu'il faut être attentif aux besoins des gens. Et qu'il faut y arriver par des moyens démocratiques, si possible. Quant à savoir si c'est possible ou non, le pouvoir de l'argent est tel aujourd'hui. Je l'ignore. Certains jeunes me disent que je ne suis qu'un vestige des années 30. Eh bien oui, c'est vrai. Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression. De Stott Sterkel. Adaptation Mé Boada et Benoît Giros. 10e épisode. Avec Jackie Berroyer, Stott Sterkel, Françoise Lebrun, Virginia Durr, Emmanuel Riva, Dorothy Day, Jean-François Perrier, Dr. Louis Andreas, Mé Boada, Judy, Christian Pellissier, Scoop Langford, et les voix de Fernand Guillot et Chloé Becker. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Catherine Déréthée, Jean-Benoît Tétu, Annabelle Brouard, Marguerite Cateau. Hard Times est publié aux éditions Amsterdam dans une traduction de Christophe Jacquet.